Chapitre 145. Les invocations en faveur du malade. 901. D'après Aïcha, radiallahu anha, lorsque quelqu'un se plaignait au prophète, alayhi salatu wassalam, d'une maladie, d'une plaie ou d'une blessure, il mouillait son index, posait son doigt sur la terre, puis l'appliquait sur la blessure en disant, Sofiane ibn Uyayna, le narrateur du hadith, reproduisit le geste, en disant, au nom d'Allah, la terre de notre sol, mélangée à la salive de certains d'entre nous, guérit nos malades avec la permission de notre Seigneur. Bismillah, turbatu ardina, biriqati ba'dina, yushfa bihi saqimuna, bi'idhni rabbina. Al-Bukhari et Muslim. 902. D'après Aïcha, radiyallahu anha, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, visitait un membre de sa famille malade, il passait sa main droite sur lui en disant « Ô Allah, Seigneur des hommes, fais disparaître ce mal et guéris-le. Tu es certes le seul qui puisse guérir. Il n'y a pas de guérison en dehors de la tienne, une guérison complète. » Allahumma rabban nas, adhib al-ba's, washfi, anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Al-Bukhari et Muslim. 903. Anas, radiallahu anhu, rapporte qu'il proposa à Thabit, rahimahullah, « Veux-tu que je récite sur toi l'invocation, ruqya, que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, récitait pour la guérison des malades ?»« Oui, répondit-il. » Anas récita alors cette invocation. « Ô Allah, Seigneur des hommes, toi qui fais disparaître tout mal, guéris-le. Tu es le seul à pouvoir guérir. Il n'y a pas de guérison en dehors de la tienne, une guérison complète. Allahumma, Rabban Nas, Mudhib al-Bas, Ishfi anta shafi, la shafiya illa ant, Shifa'an la yughadiru saqama. Al-Bukhari. 904. Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, a dit: Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, m'a rendu visite alors que j'étais malade et a prié pour moi en ces termes. Ô Allah, guéris Sa'd. Ô Allah, guéris Sa'd. Ô Allah, guéris Sa'd. Muslim. 905. Abu Abdillah, Uthman ibn Abil As, radiyallahu anhu, rapporte qu'il s'est plaint au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, d'une douleur. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui recommanda « Pose ta main à l'endroit où tu ressens la douleur, puis dis « Au nom d'Allah, bismillah » à trois reprises. Et ensuite, dis sept fois « Je cherche refuge par la puissance et le pouvoir d'Allah contre le mal dont je souffre et que je crains. « A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. » Muslim. 906. D'après Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Quiconque se rend au chevet d'un malade dont le terme n'est pas encore arrivé et dit cette fois « J'implore Allah le très grand Seigneur du trône immense de te guérir, as'alullah al-azim, rabb al-arsh al-azim, en yashfiyak, Allah le guérira de cette maladie. » Abu Dawud, At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan » et Al-Hakim qui affirme que le hadith est authentique selon les critères d'Al-Bukhari. 907. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam rendit visite à un bédouin malade. Or, chaque fois qu'il visitait une personne souffrante, il disait « Il n'y a rien de grave, c'est une purification de tes péchés, si Allah le veut. » La ba's tahurun insha Allah. Al-Bukhari. 908. Selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, Gabriel, Jibril, se rendit auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et lui dit « Ô Muhammad, es-tu malade ?» Il répondit, alayhi salatu wassalam, « Oui. » Gabriel dit alors « Au nom d'Allah, je te fais une ruqya, récitation du Coran et invocation, contre tout mal qui te touche et contre le mal de tout être ou le mauvais œil de l'envieux, qu'Allah te guérisse. Au nom d'Allah, je te fais une ruqya. Bismillahi arqik, min kulli shay'in yudhik, min sharri kulli nafsin aw 'ayni hasid, Allahu yashfik, بسم الله أرقيك. مسلم. 909. أبو سعيد الخدري et أبو هريرة رضي الله عنهما rapporte avoir entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire « Quiconque dit « Il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et Allah est le plus grand, la ilaha illallah wallahu akbar » verra ces paroles approuvées par son Seigneur qui dira « Il n'y a point de divinité en dehors de moi et je suis le plus grand. » S'il dit « Il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, seul et sans associé, « La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah » Allah répondra « En effet, il n'y a point de divinité en dehors de moi, seul et sans associé. » S'il dit « Il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, à lui la royauté et la louange, « La ilaha illallah, lahul mulk wa lahul hamd » Allah répondra « En vérité, il n'y a point de divinité en dehors de moi, à moi la royauté et la louange. » S'il dit « Il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, il n'y a de force qu'en Allah et de changement que par lui. La ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allah répondra, en effet, il n'y a point de divinité en dehors de moi, et il n'y a de force qu'en moi et de changement que par moi. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ajouta, celui qui dit ceci au cours d'une maladie, puis meurt, ne sera pas touché par le feu. At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan.